Voici une lecture par Martine du roman de Pierre Loti, Pêcheur d'Islande. Troisième partie, chapitre 11. Un matin vers 3 heures, tandis qu'ils rêvaient tranquillement sous leur sueur de brume, ils entendirent comme des bruits de voix dont le timbre leur sembla étrange et non connu d'eux. Ils se regardèrent les uns les autres, ceux qui étaient sur le pont, s'interrogeant d'un coup d'œil. « Qui est-ce qui a parlé ?»« Non, personne. Personne n'avait rien dit. » Et en effet, cela avait bien eu l'air de sortir du vide extérieur. Alors celui qui était chargé de la trompe, et qui l'avait négligé depuis la veille, se précipita dessus, en se gonflant de tout son souffle pour pousser le long beuglement d'alarme. Cela seul faisait déjà frissonner dans ce silence. Et puis, comme si au contraire, une apparition eût été évoquée par ce son vibrant de cornemuse, une grande chose imprévue s'était dessinée en grisaille, s'était dressée, menaçante, très haut tout près d'eux, des mâts, des vergues, des cordages, un dessin de navire qui s'était fait en l'air, partout à la fois et d'un même coup, comme ces fantasmagories pour effrayer, qui d'un seul jet de lumière sont créées sur des voiles tendues. Et d'autres hommes apparaissaient là, à les toucher, penchés sur le rebord, les regardant avec des yeux très ouverts dans un réveil de surprise et d'épouvante. Ils se jetèrent sur des avirons, des mâts de rechange, des gaffes, tout ce qui se trouva dans la Drôme de long et de solide, et les pointèrent en dehors pour tenir à distance cette chose et ces visiteurs qui leur arrivaient. Et les autres aussi, effarés, allongeaient vers eux d'énormes bâtons pour les repousser. Mais il n'y eut qu'un craquement très léger dans les vergues, au-dessus de leur tête, et les mâtures, un instant accrochées, se dégagèrent aussitôt sans aucune avarie. Le choc, très doux par ce calme, était tout à fait amorti. Il avait été si faible même que vraiment, il semblait que cet autre navire n'eût pas de masse et qu'il fût une chose molle, presque sans poids. Alors, le saisissement passé, les hommes se mirent à rire. Ils se reconnaissaient entre eux. « Ohé, de la Marie ! Hé, Gaos, Lomec, Germer !» L'apparition, c'était la reine Berthe. Capitaine Larvoer, aussi de Paimpol. Ses matelots étaient des villages d'alentour. Ce grand-là, tout en barbe noire, montrant ses dents dans son rire, c'était Kerjégou, un de Ploudaniel. Et les autres venaient de Plounès ou de Plounérin. Aussi, pourquoi ne sonniez-vous pas de votre trompe, bande de sauvages ? Demandait Larvoer de la reine Berthe. Eh bien, et vous donc, bande de pirates et d'écumeurs, mauvais poison de la mer ? Oh, nous, c'est différent. Ça nous est défendu de faire du bruit. Il avait répondu cela avec un air de sous-entendre quelque mystère noir, avec un sourire drôle qui par la suite revint souvent en tête à ceux de la Marie et leur donna à penser beaucoup. Et puis, comme s'il en eût dit trop long, il finit par cette plaisanterie. « Notre corne à nous, c'est celui-là en soufflant dedans qui nous l'a crevé. » Et il montrait un matelot à figure de triton qui était tout en cou et tout en poitrine, trop large, bas sur jambes, avec je ne sais quoi de grotesque et d'inquiétant dans sa puissance difforme. Et pendant qu'on se regardait là, attendant que quelque brise ou quelque courant d'en dessous voulût bien emmener l'un plus vite que l'autre, séparer les navires, on engagea une causerie. Tous appuyés en bâbord, se tenant en respect au bout de leurs longs morceaux de bois, comme eussent fait des assiégés avec des piques, ils parlèrent des choses du pays, des dernières lettres reçues par les chasseurs, des vieux parents et des femmes. « Moi, disait Kerjégou, la mienne me marque qu'elle vient d'avoir son petit que nous attendions. Ça va nous en faire la douzaine tout à l'heure. » Un autre avait eu 2 jumeaux, et un troisième annonçait le mariage de la belle Janikaroff, une fille très connue des Islandais, avec certains vieux Richard infirmes de la commune de Plourivaux. Il se voyait comme à travers des gazes blanches et il semblait que cela changeât aussi le son des voix, qui avait quelque chose d'étouffé et de lointain. Cependant, Yann ne pouvait détacher ses yeux d'un de ces pêcheurs, un petit homme déjà vieillot, qu'il était sûr de n'avoir jamais vu nulle part, et qui pourtant lui avait dit tout de suite « Bonjour, mon grand Yann », avec un air d'intime connaissance. Il avait la laideur irritante des singes avec leur clignotement de malice dans ses yeux perçants. « Moi, disait encore l'arvoaire de la reine Berthe, on m'a marqué la mort du petit-fils de la vieille Yvonne Mohan de Ploubazlanec, qui faisait son service à l'État, comme vous savez, sur l'escadre de Chine. Un bien grand dommage. » Entendant cela, les autres de la Marie se tournèrent vers Yann pour savoir s'il avait déjà connaissance de ce malheur. Oui, dit-il d'une voix basse, l'air indifférent et hautain. C'était sur la dernière lettre que mon père m'a envoyée. Ils le regardaient tous, dans la curiosité qu'ils avaient de son chagrin, et cela l'irritait. Leurs propos se croisaient à la hâte, au travers du brouillard pâle, pendant que fuyaient les minutes de leur bizarre entrevue. « Ma femme me marque en même temps, continuait l'arvoaire, que la fille de M. Mével a quitté la ville pour demeurer à Ploubazlanec et soigner la vieille Mohan, sa grand-tante. Elle s'est mise à travailler à présent, en journée chez Le Monde, pour gagner sa vie. D'ailleurs, j'avais toujours eu dans l'idée, moi, que c'était une brave fille et une courageuse, malgré ses airs de demoiselle et ses falbalas. » Alors de nouveau on regarda Yann, ce qui acheva de lui déplaire, et une couleur rouge lui monta aux joues sous son hâle doré. Par cette appréciation sur Go fut clos l'entretien avec ces gens de la reine Berthe, qu'aucun être vivant ne devait plus jamais revoir. Depuis un instant, leurs figures semblaient déjà plus effacées, car leur navire était moins près. Et tout à coup, ceux de la Marie ne trouvèrent plus rien à pousser, plus rien au bout de leurs longs morceaux de bois. Tous leurs espars, avirons, mâts ou vergues, s'agitèrent en cherchant dans le vide, puis retombèrent les uns après les autres, lourdement dans la mer, comme de grands bras morts. On rentra donc ces défenses inutiles. La reine Berthe, replongée dans la brune profonde, avait disparu brusquement tout d'une pièce, comme s'efface l'image d'un transparent derrière lequel la lampe a été soufflée. Ils essayèrent de la héler, mais rien ne répondit à leur cri, qu'une espèce de clameur moqueuse à plusieurs voix, terminée en un gémissement qui les fit se regarder avec surprise. Cette reine Berthe ne revint point avec les autres Islandais. Et comme ceux du Samuel Azénide avaient rencontré dans un fjord une épave non douteuse, son couronnement d'arrière avec un morceau de sa quille, on ne l'attendit plus. Dès le mois d'octobre, les noms de tous ces marins furent inscrits dans l'église sur des plaques noires. Or, depuis cette dernière apparition dont les gens de la Marie avaient bien retenu la date, jusqu'à l'époque du retour, il n'y avait eu aucun mauvais temps dangereux sur la mer d'Islande, tandis que, au contraire, 3 semaines auparavant, une bourrasque d'ouest avait emporté plusieurs marins et 2 navires. On se rappela alors le sourire de l'arvoaire, et en rapprochant toutes ces choses, on fit beaucoup de conjonctures. Yann revit plus d'une fois la nuit le marin au clignotement de singe, et quelques-uns de la Marie se demandèrent craintivement si ce matin-là il n'avait point causé avec des trépassés.